واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، on est toujours dans la série de cours l'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, la description de la prière du prophète alayhi salatu wasalam comme si tu la voyais du takbir au teslim, c'est-à-dire du takbir, ce qu'on appelle takbir al-ihram, jusqu'au teslim qui est la salutation finale par laquelle on finit la prière. On était arrivé au chapitre concernant le ruku', et plus précisément au chapitre concernant l'obligation d'observer un temps d'immobilité pendant l'inclinaison, pendant le ruku'. Donc يقول المصنف رحمه الله وهو الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وجوب الطمأنينة في الركوع، وكان يطمئن في ركوعه عليه الصلاة والسلام، وأمر به الموصي صلاته كما سلف أول الفصل السابق، وكان يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وما سجدتم. ورأى رجلا لم يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم مثل الذي لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده مثل الجائع الذي أكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه نهاني خليلي عليه الصلاة والسلام أن أنقر في صلاتي نقر الديك، وأن ألتفت التفات الثعلب، وأن أقع أو أقعي عفوا كإقعاء القرود. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. On va déjà traduire ce passage-là, en tout cas du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, avant de rentrer dans l'explication de Cheikh Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et donc l'auteur qui est Cheikh Mohamed Nasser Din Al-Albani rahimahullah, il nous dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'obligation d'observer un temps d'immobilité pendant l'inclinaison, le ruku'. Le prophète, alayhi salatu wassalam, observait un temps d'immobilité dans son inclinaison. D'accord ? Et avant de continuer, j'avais rappelé que le ruku', c'était un rukn, et aussi le fait d'être apaisé, immobile dans ce ruku', on va voir ce que ça veut dire inshallah, c'est aussi un pilier. Hein, d'où l'importance de ce cours. Il a ordonné d'en faire de même à celui qui faisait mal sa prière, comme cela a déjà été mentionné au début du paragraphe précédent. Il disait, alayhi salatu wassalam, accomplissez parfaitement l'inclination et la prosternation par celui qui détient mon âme en sa main, je vous vois derrière moi lorsque vous vous inclinez et vous vous prosternez. Il a vu un homme, alayhi salatu wassalam, qui ne s'inclinait pas convenablement et qui faisait des prosternations furtives, hein, c'est-à-dire rapides dans sa prière. Alors il a dit, si un homme mourrait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed. Il s'abaisse pour se prosterner, se relève comme un corbeau qui picorerait du sang. Celui qui ne s'incline pas convenablement et fait des prosternations à la manière du corbeau est semblable à un affamé qui mange une ou deux dattes, elle ne le rassasie pas. Abu Huraira, radiallahu anhu arda, il disait, mon ami proche, c'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives, à la manière d'un coq, dans la prière, ou de détourner le regard, comme le fait le renard, ou de m'asseoir à la manière du singe. Inch'Allah, tout ça, c'est, on est toujours dans le matn de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ça va être expliqué par Cheikh Bazmoul, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, disait aussi, le pire voleur est celui qui vole de sa prière. Les compagnons radiallahu anhum ardahum ont dit, oh messager d'Allah, comment vole-t-il de sa prière? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, il ne fait pas convenablement l'inclinaison et la prosternation. Quand tu lui finis sa prière, il déclara, « Ô vous les musulmans, sachez que celui qui ne reste pas suffisamment de temps immobile pour tenir son dos droit pendant l'inclination et la prosternation n'aura pas accompli de prière. » Selon un autre hadith, il a dit, « La prière d'une personne n'est valable que si elle reste suffisamment de temps immobile en inclination et en prosternation pour que son dos se tienne droit. » Alors maintenant, l'explication de ce passage, de ce chapitre de Cheikh Bezmoul, Hafidahullahu ta'ala. Fayaqul Cheikh Mohamed bin Omar Bezmoul, Hafidahullahu ta'ala, sharihan lihada al-fasl, yaqul, hada al-fasl fihi bayanu rukniyati t'ma'ninati fi s-salah, wa bidhat fi r-ruku' wa sayyati aydan mithluhu fi s-sujud, wa sabaqa mithluhu fi l-qiyam. وهذا كله لبيان ركنية الاطمئنان في جميع الصلاة ومعنى الاطمئنان في الصلاة أن يركض المصلي في صلاته ويهدأ بحيث تستقر الأعضاء وترجع إلى محلها يرجع كل عضو إلى محله أما الذي يصلي صلاته بسرعة فلا يخلو حاله من أمرين الأمر الأول أن يصلي الصلاة بسرعة ولكن يأتي بأدنى قدر يصح به الركوع ويصح به السجود فهذا صلاته صحيحة ولكن يلحقه نوع تقصير في أنه سرق من صلاته وقصر فيها والنوع الثاني من يصلي الصلاة ولا يأتي بركوعه على وجهه في أدنى الركوع لا يأتي به فهذا نقول صلاته باطلة إذا لم يحصل في ركوعه مسمى الركوع أو جاء به بسرعة لم يهدأ ولم يستقر في هيئة الركوع فإننا نقول هذا لم يأتي بالركوع على الوجه الشرعي فصلاته باطلة وأدنى ما يحصل به مسمى الركوع عند أهل العلم أن يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وبعضهم قال من قال سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة فقد أجزأ في الركوع والسجود. On va déjà traduire ce passage là de Cheikh Bezmoul, حفظه الله تعالى. Il dit en guise d'explication de ce chapitre, qu'Allah le préserve, il y a dans ce chapitre la mise en évidence que l'observation d'un temps d'immobilité, si vous voulez on peut l'appeler aussi par apaisement, t'ma'nina, comme le terme en arabe ici, il y a dans ce chapitre la mise en évidence que l'observation d'un temps d'immobilité dans la prière est un pilier, et surtout lors de l'inclinaison. Et comme nous allons le voir, Inch'Allah, de même lors de la prosternation et comme on l'a déjà vu lors de la position debout. Tout ceci pour mettre en évidence que l'observation d'un temps d'immobilité, d'apaisement est un pilier dans toute la prière. Le sens de l'apaisement ou immobilité dans la prière est, maintenant il convient de quoi de savoir, maintenant qu'on sait que c'est un rukn, il convient de savoir c'est quoi son sens de cette immobilité, de cet apaisement. Comme salam. Et bien que celui qui prie se calme et s'apaise dans sa prière, de manière à ce que ses membres s'apaisent et reviennent à leur place. Que chaque membre revienne à sa place. Tandis que celui qui prie rapidement, eh bien il ne sort pas de 2 situations. La première, qu'il prie rapidement, mais fait le minimum nécessaire à ce que son inclinaison et sa prosternation soient correctes. Celui-ci, sa prière est correcte. Mais sa prière sera quoi alors? Diminuée. Car il a volé de sa prière et y a raccourci. Et la deuxième, mais celui qui prie mais ne s'acquitte pas du minimum nécessaire lors de son inclinaison. À propos de lui, nous disons, sa prière est batila, nulle. S'il n'a pas fait dans son inclinaison, ce que l'on appelle une inclinaison, ce qu'on peut appeler une inclinaison, hein, le minimum, il n'a pas fait le minimum. Ou s'il l'a fait de manière rapide, sans immobilité. Et s'il ne s'est pas apaisé lors de son inclinaison. Nous disons, celui-ci ne s'est pas acquitté de l'inclinaison de manière correcte. Sa prière est donc nul. Pourquoi? Comme on a dit, parce que l'apaisement ou l'immobilité dans l'inclinaison dans la prière est un pilier. Le minimum par lequel on peut appeler inclinaison, une inclinaison chez les gens de science, c'est de s'incliner le temps de dire trois fois Subhan Rabbi al-Azim. C'est ça le minimum. Et certains ont dit, s'il dit Subhan Rabbi al-Azim ne fût-ce qu'une seule fois, eh bien cela lui suffit lors de l'inclinaison et de la prosternation. S'il le dit qu'une fois, certains ulama ont dit que s'il le dit qu'une fois, eh bien ça lui suffit. D'autres ont dit qu'il doit dire au moins trois fois Subhan Rabbi al-Azim. Si c'est moins que cela, alors cela ne suffit pas comme inclinaison. نواصل شرح الشيخ محمد بن عمر بزمول حفظه الله. فإن قل عن هذا فإن هذا الركوع لا يجزي. قال ابن عبد البر النمري رحمه الله في الاستذكار المجلد الأول: وأجمع أن الركوع موضع لتعظيم الله بالتسبيح وأنواع الذكر، واختلف الفقهاء في تسبيح الركوع والسجود. فقال ابن القاسم عن مالك إنه لم يعرف قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره، ولم يحد في الركوع دعاء مؤقتا ولا تسبيحا مؤقتا. وقال: إذا أمكن المصلي يديه من ركبتيه في الركوع وجبهته من الأرض في السجود فقد أجزأ عنه. قال أبو عمر: إنما قال ذلك والله أعلم فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود، ومن الاقتصار على سبحان ربي العظيم في الركوع وعلى سبحان ربي الأعلى في السجود، كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر. والحجة له قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ركعتم فعظموا الرب، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. ولم يخص ذكرا من ذكر، وأنه عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر. فمنها حديث مطرف عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومن حديث عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ومنها أنه كان يدعو في سجوده كثيرا. وديجا تخدوخ سو باساج. دونك كوم انا دي سي سو موان كو سولا الوغ سولا نو سوفي با كوم انكلينيزون. ابن عبد البر النمري رحمه الله قال الفاس ميزيريكورد كي ان غران سافون parmi les imams des salaf et qui a fait notamment le fameux livre At-Tamhid qui est l'explication de Muwatta l'imam Malik. Il a fait un autre livre qui s'appelle Al-Istizkar. Dans ce livre, Al-Istizkar, volume 1, page 430-433, il dit, rahimahullah, ils sont unanimes sur le fait que l'inclinaison est un moment de glorification. D'accord? D'Allah. Ta'zim. Par le tesbih et les genres d'invocation. Les jurisconsultes, les fuqaha, sont en divergence quant au tesbih dans l'inclinaison et la prosternation. Ibn Qasim a rapporté de Malik qu'il ne connaissait pas le fait que les gens disent dans l'inclinaison Subhan Rabbi al-Azim et dans la prosternation Subhan Rabbi al-A'la. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, comment il explique Ibn Amr al-Barr, rahimahullah, cette parole de l'imam Malik. Il a dénié et n'a pas délimité en temps dans le recours une invocation ou un tesbih. Et il dit: si le prieur peut poser les mains sur les genoux dans l'inclinaison et son front sur le sol dans la prosternation, eh bien cela lui suffit. Abu Omar a dit, il n'a dit cela, et Allah le plus savant, que pour éviter de dire que le tesbih est quoi? Est wajib, est obligatoire dans l'inclinaison et la prosternation. Et du fait de se limiter à dire Subhan Rabbi al-Azim dans l'inclinaison et Subhan Rabbi al-A'la dans la prosternation. Comme d'autres savants que lui, se sont limités à cela comme invocation. Et sa preuve est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: si vous vous inclinez, glorifiez alors le Seigneur, et si vous vous prosternez, Efforcez-vous de faire des invocations. Et il n'a pas spécifié une invocation particulière. D'accord? Dans ce hadith-là, il n'y a pas quoi? Une invocation particulière qui a été spécifiée. Et il a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam différents genres d'invocations, différents genres d'invocations, qui prouvent que le tesbih et l'invocation ne sont pas limités à un genre spécifique. Parmi ceux-là, le hadith de Mutraf d'après Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait dans sa prosternation, Subbuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Ce qui est différent de quoi? De Subhan Rabbiya al-Azim. Et parmi ceux-là, le hadith de Auf ibn Malik, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans son inclinaison et dans sa prosternation, Subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azamah. Et parmi ceux-là, qu'il invoquait beaucoup dans ses prosternations. Maintenant, Cheikh Bezmoul, il continue en disant, وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أقل التمام والكمال في ذلك وقال الثوري أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في الركوع والسجود حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات وحجتهم حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى وهي الآية الأولى من سورة الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وحديث حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى قالوا وهي أولى لأنه تفسير لقوله في الركوع عظموا فيه الرب فهذا عند جمهور العلماء في الفريضة وسائر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام جعلوه أنه كان منه في صلاته بالليل ونافلته واقتصروا في الركوع والسجود من المكتوبات على حديث عقبة بن عامر سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا وسبحان ربي الأعلى ثلاثا في السجود وكل ذلك واسع لا حرج في شيء منه ولا يحرج أيضا من تركه والحمد لله الذي جعل في الدين ساعة ولم يجعل فيه من حرج انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى Pour terminer la parole de Ibn Abd al-Barr, qui est cité par Cheikh Bezmoul, il dit, et Soufiane al-Thawri, et Abu Hanifa, et al-Shafi'i, et al-Awza'i, et Abu Thawr, et Ahmed ibn Hanbal, et Ishaq ont dit, le prieur dit dans son inclinaison, Subhan Rabbi al-Azim, trois fois. Et dans la prosternation, Subhan Rabbi al-A'la, trois fois. Et c'est le minimum de complétion à ce sujet, pour que ce soit complet à ce sujet, c'est le minimum. Al-Thawri a dit, ce qui est le plus aimé par moi, c'est que l'imam dise cinq fois dans l'inclinaison et la prosternation. Qu'il le dise quoi? Cinq fois dans son inclinaison et sa prosternation. Afin que celui qui prie derrière lui puisse le dire quoi? Trois fois. Et leur preuve est le hadith de Uqba ibn Amir, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a dit, lorsqu'a été révélé le verset dont la traduction du sens est glorifie le nom de ton Seigneur le Très Grand, Surat Al-Waqi'a, verset 74. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, faites-le dans votre inclinaison. Et lorsque fut révélé le verset dont la traduction du sens est glorifie le nom de ton Seigneur le Très Haut, Surat Al-A'la, le premier verset, il dit, faites-le donc dans votre prosternation. Et le hadith de Hudayfa qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, disait dans son inclinaison, Subhan Rabbil Azim, et dans sa prosternation, Subhan Rabbi al-A'la. Ils dirent, c'est le mieux, car c'est l'explication de sa parole au sujet de l'inclinaison. Wa'adhimu fihi al-Rabb, et glorifiez-y le Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, le hadith général là, il est expliqué par ce hadith là ici. Ceci est donc l'avis de la majorité des savants en ce qui concerne la prière prescrite obligatoire. Et ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que c'était dans ses prières surrogatoires et ses prières nocturnes. Et se sont limités en ce qui concerne l'inclinaison et la prosternation des prières prescrites au hadith de Uqba ibn Amir, Subhan Rabbi al-Azim trois fois dans l'inclinaison et Subhan Rabbi al-A'la trois fois dans la prosternation. Et Cheikh, il termine, pour les frères maintenant qui sont un peu confus, les sœurs qui sont un peu confus dans leur tête, eh bien, le Cheikh, il termine, il en résumé, il dit, et il y a, c'est Ibn Abd al-Barr ici qui parle toujours, il y a de la facilité dans cette affaire. Il n'y a aucun mal à dire l'une de ces paroles comme à les délaisser, et toutes les louanges sont à Allah qui a rendu la religion facile et n'y a placé aucune difficulté. Fin de citation de Ibn Abd al-Barr dans Al-Istidkar, volume 1, page 430 à 433. Cheikh maintenant rapporte une autre parole qui est d'un grand autre savant qui est Ibn Qudama, rahimahullah. Dans le Mourni, il dit وقال Ibn Qudama في المغني المجد الأول طبعة الشاملة وجزئ تسبيحة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا فدل على أنه يجزئ أدناه. انتهى كلام ابن قدامة في المغني. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهو نص في عدم صحة الصلاة لمن لا يقيم ظهره في الركوع. وإقامة الظهر في الركوع هو أن يركع بحيث يستوي الظهر لو صب عليه ماء أو لو صب عليه ماء لاستقر على الظهر. فإن لم يحصل هذا الوصف في الركوع لم تصح الصلاة. وتتأكد ركنية الطمأنينة في الركوع والسجود بالحديث الذي أورده المصنف رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هل يعذر الإنسان بالجهل هنا؟ Donc après avoir rapporté la parole d'Ibn Qudama et la suite, on va voir une autre mes'ala qui est quoi? C'est le fait que, est-ce que la personne peut être excusée pour son ignorance ou pas? Il dit Ibn Qudama, rahimahullah, dans le Mourni, volume 1, page 578, aux éditions Al-Shamila, il suffit de faire un seul tesbih, car le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de faire le tesbih dans le hadith de Uqba. Il n'a pas dit de nombre. Ceci indique donc que le minimum est suffisant. Fin de citation d'Ibn Qudama dans le Mourni. Il a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « La prière d'une personne n'est valable que si elle reste suffisamment de temps immobile en inclinaison et en prosternation pour que son dos se tienne droit. » Ceci est un texte qui prouve la nullité de la prière de celui qui ne se tient pas ou qui ne tient pas son dos droit dans l'inclinaison. Tenir son dos droit dans l'inclinaison, c'est de s'incliner de manière à ce que le dos soit tellement droit que si on venait à y verser de l'eau, elle resterait immobile sur le dos. Si cette description ne se retrouve pas dans l'inclinaison, la prière n'est pas valide. L'insistance sur le fait que l'immobilité dans l'inclinaison et la prosternation est un pilier est donnée par le hadith qu'a rapporté l'auteur, qui est Cheikh Mohammed Nasser Dil Albani, rahimahullah. Qu'il a vu, c'est-à-dire qu'il, le prophète, alayhi salatu wassalam, un homme qui ne s'inclinait pas convenablement, qui faisait des prosternations furtives dans sa prière. Alors il a dit, si un homme mourait ainsi, il mourrait sur une autre religion que celle de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Il s'abaisse pour se prosterner et se relève comme un corbeau qui picorerait du sang. Celui qui ne s'incline pas convenablement et fait des prosternations à la manière du corbeau est semblable à un affamé qui mange une ou deux dattes. Elle ne le rassasie pas. Alors maintenant, Cheikh pose une question à laquelle il va répondre lui-même, Hafidhahullah. Il dit, est-ce que quelqu'un peut être excusé à cause de son ignorance? هنا مسألة العذر بالجهل الذي الشيخ حفظه الله تعالى. وهل يعذر الإنسان بالجهل هنا؟ أقول طلب العلم الشرعي فيما يحتاجه الإنسان لأداء العبادة الواجبة عليه واجب، فلو قصر في طلب هذا العلم الشرعي مع إمكانه وقدرته عليه فإنه لا يعذر بجهله، بمعنى أن المسلم إذا قصر في طلب العلم الذي يجب عليه طلبه من أجل أداء العبادات فإن جهله لا يعذر به. أما لو لم يقصر المسلم في طلب العلم وكان هذا مبلغه من العلم ولم يدري بهذا الحكم، فصلاته التي صلاها صحيحة تجزئ عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سورة البقرة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق. وأما وقد قصر هو في طلب العلم الواجب وكان بإمكانه أن يسأل ويتعلم فلم يرجع للعلماء ويتعلم وقصر في كل هذا، فإنه في هذه الحالة نقول صلاته باطلة ولا يعذر بالجهل، وعليه إثم في عدم طلبه العلم، لأن طلب العلم بهذه الأمور من فروض الأعيان لمن بلغ إليها. فالجهل لا يعذر به الإنسان إذا كان بتقصير منه، أما إذا كان الجهل بغير تقصير منه كالإنسان يكون في بلد لا يوجد لديه علماء ولا يوجد لديه طلاب علم وليس بإمكانه أن يتصل بأحد ويسأل وكان يصلي الصلاة على هذه الصفة، فنقول هذا مبلغه من العلم وهذا جهده ولا تقصير عليه، وما مضى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه بفضله وبرحمته، وعليه فيما يستجد من أمور العبادات أن يسأل وأن يتعلم. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن هذا الرجل لو مات على غير الفطرة ولم يعذره بالجهل. Donc Cheikh il pose une question et il dit hafidhahullah ta'ala, est-ce que quelqu'un peut être excusé à cause de son ignorance? Je dis, et c'est Cheikh Bazmoul qui parle hafidhahullah ta'ala, la recherche de la science de la religion, de ce dont l'être humain a besoin pour s'acquitter de l'adoration qui lui est obligatoire, est obligatoire. Si donc il a un manquement dans cette recherche de la science, de la religion, alors que cela lui est possible et qu'il en a capacité, alors il n'est pas excusé pour son ignorance. C'est-à-dire que le musulman, s'il a un manquement dans la demande de la science de la religion, qu'il est obligatoire afin de s'acquitter des adorations, il n'est pas excusé pour son ignorance. Tandis que celui musulman n'a pas de manquement dans sa recherche de la science, et que c'est cela, la portion de science qu'il a, et qu'il ne connaît pas ce jugement, alors sa prière qu'il a priée est valide, il lui suffit, car Allah n'a imposé que selon ce qu'il lui a donné. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à une personne que selon ce qu'il lui a donné. Sourate Al-Talaq, verset 7. Tandis que s'il a eu un manquement dans sa demande de science qui lui est obligatoire, et qu'il avait la possibilité de demander et d'apprendre, et qu'il n'est pas retourné au savant et n'a pas appris, et il y a un manquement concernant tout cela, alors dans cette situation, nous disons, sa prière est bâtila, nulle. Et il n'est pas excusé pour son ignorance. Et il est en état de péché quant à sa demande de science, car la recherche de la science dans ce genre d'affaires fait partie des obligations individuelles, furud al-a'yan. Et c'est pour celui qui y arrive. L'individu n'est pas excusé pour son ignorance si cela est dû à un manquement de sa part. Tandis que si l'ignorance n'est pas due à un manquement de sa part, comme celui qui est dans un pays où il n'y a ni savant ni étudiant en sciences islamiques et qui ne peut contacter personne et demander et qui prie de cette manière, nous disons donc, c'est ce qu'il a comme science et c'est sa capacité et il n'a pas de manquement. Et ce qui a passé, Allah le récompense par miséricorde et bonté de sa part. Il se doit pour les nouvelles choses qui lui arrivent, parmi les affaires des adorations, de demander et d'apprendre. Et ceci est indiqué par le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé que cet homme, s'il mourait, mourrait sur autre que la fitra. Il ne l'a pas excusé pour son ignorance. Puis Cheikh Bezmoul continue l'explication de ce chapitre et il dit: أما قول أبي هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي أن أنقر في صلاته نقر الديك وأن التفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرود، هل رأيتم الديك كيف يبحث عن الحب في الأرض ثم ينقر من أجل أن يحصل على الحب؟ شبه الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي الذي يصلي ولا يستقر في ركوعه ولا سجوده أنه ينقر كنقر الديك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن ينقر صلاته كنقر الديك، والمراد أنه لا يطمئن فيها ولا يهدأ ولا يركض فيها وإنما يؤديها بسرعة بحيث أنه لا يحصل حتى أدنى ما تصح به أركان الصلاة. قال والتفت التفات الثعلب. Avant de traduire d'abord ce deuxième passage, on traduit le premier et il dit حفظه الله تعالى Cheikh Bezmoul. En ce qui concerne la parole d'Abu Huraira radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, mon ami proche, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives à la manière d'un coq dans la prière, ou de détourner le regard comme le fait le renard, ou de m'asseoir à la manière du singe. Cheikh, il dit, avez-vous vu le coq, comment il cherche une graine sur le sol, puis picore afin de prendre la graine? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler celui qui prie et ne se tient pas immobile, ne s'apaise pas dans son inclinaison, ni dans sa prosternation, à celui qui picore comme picore le coq. Hein, c'est-à-dire qu'il picore comme picore le coq. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux musulmans de picorer dans sa prière comme le fait le coq. Et ce qui est entendu ici, c'est qu'il ne s'apaise pas et ne s'y immobilise pas. Il ne reste pas calme, mais plutôt s'en acquitte rapidement, à tel point qu'il ne fait même pas le minimum pour que les piliers de sa prière soient valide. Puis il continue l'explication du hadith et il dit: wala altafita iltifat al-tha'lab, hal ra'aytum al-tha'lab kayfa yaltafitu bi sur'atin yamina wa yasara wa yuharriku 'aynahu. Naha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-muslim idha kana fi as-salah an yaltafita iltifat al-tha'lab, li'anna al-mafrud an yakuna fi khushu'in wa la yuharriku nadarahu 'an mahalli as-sujud, wa in hasala minhu iltifatun فإنه يكون أحيانا وقليلا وهذا لا يبطل الصلاة، إنما يبطل الصلاة أن يكثر من الالتفات كالتفات الثعلب. قال وأن أقع كإقعاء القرد، وإقعاء القرد أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضمهما إلى فخذيه وقدميه على الأرض كهيئة الكلب لما يجلس ويرفع يديه، ولذلك جاءت أحاديث تنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a continué dans le hadith en interdisant d'autres choses, et Cheikh Bezmoul il rapporte cela, il explique en disant, il dit et ne détourne pas et de détourner le regard comme le fait le renard. Avez-vous vu le renard, Cheikh Bezmoul dit, comme il détourne rapidement le regard vers la droite et vers la gauche et bouge ses yeux? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans lorsqu'il est en prière de détourner le regard comme le fait le renard, car il est censé être concentré, et de ne pas bouger le regard par rapport de son endroit de prosternation, par rapport à son endroit de prosternation. Et s'il arrive qu'il détourne le regard un peu parfois, alors cela n'annule pas sa prière. Ce qui annule sa prière, c'est de multiplier le fait de détourner le regard comme le détourne le renard. Et il dit, et de m'asseoir comme le fait le singe. S'asseoir comme un singe, c'est de coller ses fesses sur le sol et de dresser les mollets en les collant aux cuisses. Hein? Et ses pieds sur le sol. Imaginez-vous les pieds sur le sol, d'accord? Hein? Et que tu as tes fesses sur le sol. Et que tu colles quoi? Tes mollets aux cuisses. Hein? Vous voyez un peu la position. Hein? C'est-à-dire que ça, c'est dresser. Et les pieds sont au sol. D'accord, j'ai pas envie de le faire, hein, mais hein, d'accord. Et que c'est les mollets, ou parce qu'ici c'est l'arrière, quand ils disent sacre, ici c'est l'arrière, donc c'est les mollets évidemment, sont quoi? Sont collés à la cuisse, alors que les fesses sont au sol. Hein? Vous voyez des fois des singes hein, s'asseoir comme ça. Eh bien, il dit que c'est interdit. Comme la position du chien lorsqu'il s'assied et lève ses pattes. Le cheikh l'a dit ses mains, mais ici évidemment c'est quoi? C'est les pattes. Lorsqu'il s'assied, qu'il lève ses pattes. Et c'est pour cela que des hadiths ont été rapportés sur l'interdiction de s'asseoir comme le fait le chien. Cheikh il dit, il y a une deuxième manière. وله صفة ثانية أن يضع ساقيه وركبتيه على الأرض ويفضي بإليتيه بينهما إلى الأرض وهناك صفة ثالثة هي أن هو يضع ساقيه على الأرض وينصب قدميه ويجلس على الشيخ يسيل دي كعبيه والصواب عقبيه كما نقول في بيتاخ كما في الشابتر دي صحيح مسلم ici c'est عقبيه c'est les talons c'est pas les chevilles والله أعلم فتحصل له الإقعاء له صفات الصفة الأولى إقعاء كإقعاء الكلب والقرد أن ينصب المرء ساقيه ويلصق إليتيه بالأرض وتكون هذه الصفة عند الرفع من السجود إلى القيام يجلس على هذه ثم يقوم يجلس ثم يقوم هذا إقعاء كإقعاء الكلب منهي عنه والصفة الثانية إقعاء الكلب أن تكون ركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض ويلصق إليتيه بالأرض بين ساقيه في الجلوس بين السجدتين أو في الجلوس للتشهد فهذا إقعاء كإقعاء الكلب الصفة الثالثة أن تكون ركبتيه على الأرض ويبسط ساقيه وينصب قدميه ويضع إليتيه على عقبيه ويبقى جدي عقبيه فهذا النوع يجوز في الجلوس بين السجدتين ولا يجوز في غيرها في من جلسات الصلاة والدليل على جواز جلسة الإقعاء على القدمين من جاء عن طاووس يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلنا له إن لا نراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس بل هي السنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الإقعاء على العقبين les deux talons. On traduit déjà ça ici. Il y a une deuxième manière, c'est de déposer les deux tibias, c'est pour ça que j'ai traduit ici par tibias parce qu'ils sont sur le sol, hein, et les genoux sur le sol. Donc la première c'était qu'ils étaient dressés. Maintenant ils sont quoi? Sur le sol. Et de s'asseoir sur les fesses, à même le sol entre les mollets, hein, entre les, hein, d'accord. Il y a une troisième manière, c'est de déposer les tibias sur le sol et de dresser les pieds et de s'asseoir sur les talons. On traduit ici par talons, hein. Celle-là, je peux la faire parce que c'est une sunna entre les deux, c'est ça. Comme ça. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est le fait d'être s'asseoir avec les. D'être dressé sur les extrémités des doigts de pied. Hein? Comme dans ce joude, hein? Et que les pieds soient l'un contre l'autre. Et que tu t'assoies, que tu poses les fesses sur les talons. Que tu sois assis sur tes talons. Eh bien, l'iqa, le fait de s'asseoir, a donc trois différentes manières. La première, comme le chien et le singe, que la personne dresse les tibias et colle ses fesses au sol. Cette manière est lorsqu'on se relève de la prosternation pour se lever. Il s'assied de cette manière, puis se lève. Ceci, et s'asseoir comme le fait le chien, et c'est donc quoi? Interdit. La deuxième, comme le chien en posant les genoux au sol et les pieds au sol. Et de coller les fesses au sol entre ses mollets. C'est-à-dire que hein, ça va jusqu'au sol. Dans l'assise, entre les deux prosternations. Ou lors de l'assise pour le teshahoud. Cela, c'est s'asseoir comme le chien. Et la troisième maintenant, c'est de déposer les genoux au sol. De placer les tibias au sol. Et de dresser ses pieds. Hein? et de déposer ses fesses sur ses talons. Et bien cette manière est autorisée. Cette dernière-là, là, elle est autorisée lors de l'assise entre les deux prosternations. Elle n'est pas autorisée à d'autres moments. C'est-à-dire qu'on peut la faire que entre les deux prosternations et à aucun autre moment de la prière. Et la preuve de l'autorisation de s'asseoir comme cela, al-iqa, sur les deux pieds, c'est-à-dire hein, assis quoi ? Les fesses sur les talons, avec les pieds dressés, eh bien, c'est ce qui était rapporté de Taouz, qui dit, nous avons parlé de à Ibn Abbas au sujet de l'iqa sur les pieds. Il dit, c'est la sunna. Nous lui dîmes alors, nous voyons que c'est une dureté de la part de l'homme. Hein? Inna narahu min jafa'in birrajul. Ou jufa'an afwan birrajul. Alors j'étais voir dans l'explication de Cheikh Mohamed l'Ethiopie, de Sharh Sahih Muslim, il dit jafa'an birrajul, ay ibti'adan an sunnah, wa i'radan anha. C'est-à-dire que c'est une dureté de sa part, une opposition à la sunnah, un éloignement de la sunnah. Et d'ailleurs, c'est très intéressant pour les frères qui ont ce livre-là de Cheikh l'Éthiopie, parce qu'ils veulent voir les différentes manières d'appeler, les différentes manières de s'asseoir. Et celles qui sont autorisées, celles qui ne sont pas autorisées, etc. etc. Et bien, Cheikh, il dit donc, nous voyons que c'est une dureté de la part de l'homme. Il répondit, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, mais c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est rapporté par muslims, livres des mosquées et des endroits de prière. Chapitre de l'autorisation de s'asseoir sur les talons. Hadith numéro 536. Puis rapporte une autre preuve ici, Cheikh Bazmoul, Hafidahullah, il dit An Muhammad ibn Ajlan, anna Abba Zubair akhbarah, anahu ra'a Abdullah ibn Umar, idha sajada hina yarfa'u ra'asahu min as-sajdati al-ula, yaq'udu ala atrafi asabi'ihi, wa yaqulu innahu min as-sunnah. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والصحيح الألباني في السلسلة الصحيحة وقال العلامة الألباني رحمه الله في هذا الموضع المجلد الأول ففي هذا الحديث وهذه الآثار دليل على شرعية الإقعاء المذكور وأنه سنة يتعبد بها وليست للعذر كما زعم بعض المتعصبة انتهى كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. Deuxième dalil sur le fait qu'on peut faire l'iqa'a, c'est-à-dire le fait de s'asseoir, les fesses sur le talon, les deux talons, avec les pieds dressés entre les deux prosternations, et à aucun autre moment de la prière, eh bien c'est quoi ? D'après Mohamed ibn Ajlan, Zubir l'a informé qu'il a vu Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, lorsqu'il se prosternait et qu'il relevait la tête de la première prosternation, c'est-à-dire qu'il a quel endroit ici ? Entre les deux prosternation, qu'il s'asseyait sur les à l'extrémité sur l'extrémité des doigts des pieds dressés et disait que cela faisait partie de la sunna. Et c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans, c'est-à-dire qu'il s'asseyait alors que l'extrémité des doigts de ses pieds était quoi, dressée, c'est-à-dire qu'il était hein, sur les pieds dressés et donc il s'asseyait sur ses talons. Il disait que ça faisait partie de la sunna. Donc c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra, volume 2, page 119, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Hadith al-Sahiha, volume 1, page 120. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit à cet endroit, il y a donc dans ce hadith et ses athar une preuve sur la législation de Al-Iqa'a citée, et que c'est une sunna par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas dû à une excuse, comme l'ont prétendu certains fanatiques. C'est-à-dire que, quoi ? Qu'on fait ça pour qu'on ait une excuse, on ne peut pas s'asseoir autrement. Non, Cheikh dit c'est une sunna par laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala.